magique. L'alias s'élargit comme la liste des rageux. Eh mais ça, toute l'année tu fais des bails au NOIV, y'a pas des folles un peu. Pardon pour les folles, j'envoie Nisso à ma place. Ça y est, j'ai fait le tour, j'suis plein chien de la casse. Tous les hits c'est facile, ils voient dans le rétro. Ils disent c'est qui ce fou qui arrive à pas les faire éteindre. J'me suis fait tout seul comme un bidon de wire. Pour le bif, j'suis à l'heure, sinon Mister Will est ailleurs. J'ai grandi sans foi, il m'a gambergé sans faille. Toi t'es de la team Bouchetta, t'es de la team des infâmes. Dans tous les checks écoutés par les charbonneurs. Toi personne t'écoute, c'est pour ça que j'ai un mal honneur. Et tu connais de la vie, toi, hier tu m'évitais. Et aujourd'hui tu veux faire le grand frère de la cité. Et va là-bas, le bif à Neymar, tu n'as pas à la bas dans les rues de Seymour. Je me balader dans ma ville, à calibrer sous le peignoir. Des passes m'ont tourné le dos, je te cache pas que je suis peiné. Je vois rien à passer en I. Une mec qui touche le bif, tu me la concurrence, elle fait de la peine et nous on n'a pas de pitch. Rien à passer en I. Une mec qui touche le bif, tu me la concurrence, elle fait de la peine et nous on n'a pas de pitch. Oh la pute, elle est partie. Oh la pute, elle t'a tout pris. Oh la pute, elle habite à One. Oh la pute, il te reste que dalle. Oh la pute. Dis-moi quelle fois viendra te marier. Ouais, la petite est fraîche, elle est cambrée. 1, 2, 3, 10, 4, elle est tombée. Elle a tiré les